Mosol régna au IVe siècle avant notre ère sur la Carie, région côtière de l'Asie occidentale. Artémis et Madithon, son époux, au-dessus de toutes les passions retracées par la fable. Elle l'aima avec une tendresse, une fidélité plus qu'humaine. Mosol fut, d'après Marcus Cicéron, roi de Carie. Selon certains historiens grecs, il fut gouverneur ou satrape de la province grecque. Ce prince étant mort, Artémise, au comble du désespoir, ensevelit avec pompe et de ses propres mains les restes de son époux. Consumée par la douleur et les regrets, elle mêla la poussière et les os de son époux. Elle les réduisit en cendres et les mêla avec l'eau dont elle fit sa boisson. On rapporte qu'elle donna beaucoup d'autres marques de la violence de son amour. Elle fit élever à grands frais, dans le dessein de perpétuer la mémoire de son époux, ce fameux sépulcre qui a mérité d'être compté au nombre des sept merveilles du monde. C'est le fameux mausolée.